ta petite voix. Tu me donnes chaud, tu me donnes froid. Mais toi, tu ne te donnes pas. Mirabelle, pourquoi n'as-tu pas, comme tout le monde, jambes de bras? Pourquoi n'es-tu pas celle que je mets dans mes draps? Mirabelle, je ne l'invente pas. Une fille, ce n'est pas comme toi. Quand je te parle, tu ne réponds pas. Je te touche, tu ne rougis pas. Mirabelle, je ne plaisante pas. Pourquoi m'ignores-tu comme ça? Des fleurs sur des chocolats. Mirabelle, dis-moi pourquoi. Mirabelle, je t'en supplie. Ils ont tort, mes amis, et tous ceux qui m'ont dit que tu n'étais qu'un fruit. Mirabelle, tu es celle que j'aime, et c'est là mon problème. Suis-moi, je t'emmène hors de cette verdure d'arrêt. Mirabelle, nos peaux se mêlent, nos corps s'en mêlent, je sais que tu es celle qui finira dans mes selles. Petit noyau, tu es le plus beau. Moi qui n'ai connu que des salauds, grains de raisin et abricots, notre avenir.